ton corps n'a d'égal que celle de ton cœur. La simple idée d'être près de toi éveille en moi un sentiment de bonheur, de joie. Jamais je n'ai craqué sans connaître, oublié sans apparaître, être plutôt que paraître. L'amour avec toi peut-être, j'espère bien oui. Le sexe avec toi en bon maître, éloge à ton égard quand je te vois par la fenêtre. Choix d'un ami, le choix d'une.